Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XXVIIIe épisode, La Dame aux Scabieuses. William Dorgan a donc réussi à convaincre Fred Yorgel et ses hôtes de l'accompagner dans la propriété qu'il vient d'acheter en Floride. Toute la compagnie doit prendre place dans le train de New York qui part ce soir à 10h30 de la gare de Rochester. Il ne manque que Harry Dorgan, qui est reparti dès hier soir pour New York où ses affaires l'appelaient. Quant à Lord Buridan, il a de nouveau disparu après la rapide visite qu'il a faite au professeur Bondena pour le tenir au courant de son enquête sur les Lords de la Main Rouge. Avant de quitter le professeur, il lui fait une très étrange recommandation. Il lui demande de prendre très au sérieux toutes les instructions qu'il pourrait lui donner dans ses lettres si leur signature était suivie d'un X. Dans la boue, dans la boue. Oui. Avec ce brouillard, il n'y a pas moyen de se reconnaître. Et si j'allumais ma lanterne électrique? Ce n'est pas très prudent, Baruch. On pourrait voir la lumière du haut du pont. Avec ce brouillard, c'est impossible. Qu'en pensez-vous, Fritz? Ma foi, je ne pense pas que nous risquions grand-chose. Et au moins, nous arriverons plus vite à la cabane. Ça y est, nous y sommes. La première chose à faire est de vérifier que le mécanisme n'a pas souffert de l'humidité. Où est le commutateur, Baruch? Là, sous cette botte de roseau. Il a l'air en parfait état. Attention, Fritz. Tu sais qu'il est relié à des charges de plan plastique qui ont été cachées sous chacune des maîtresses poutres du pont. Il ne s'agit surtout pas de les faire sauter maintenant. Bon, en fait, quelle heure est-il pour l'instant, là ? 10h10. Le train quitte la gare de Rochester à 10h30. Nous avons encore 20 minutes devant nous. Vous n'avez pas oublié nos recommandations, Baruch ? Non. Dès que les lumières du train arriveront au niveau du signal qui est à l'entrée du pont, j'appuie sur le commutateur. Mais vous ne voulez vraiment pas que l'un de nous vous tienne compagnie? Non, vraiment, absolument pas. C'est pas la peine. Vous savez bien qu'il est indispensable que vous vous trouviez dans les environs de la gare de Rochester au moment de la catastrophe. De toute façon, moi, je pars immédiatement pour New York dans une automobile et j'attendrai de vos nouvelles là-bas. J'ai reçu, il n'y a même pas une heure, les renseignements de nos agents. Tous nos ennemis seront dans le train. William Dorgan, Isidora et même Fred Yorgel, votre vrai père, Baruch. Tant mieux. Ah, brave cœur. Il y a aussi toute la bande des Français. Comme prévu, nous serons sur les lieux de la catastrophe immédiatement après. Comme cela, nous pourrons vérifier si tous nos ennemis sont bien morts. Au cas où certains survivraient, j'ai dans ma trousse des pansements spéciaux. Qui provoquent la mort dès qu'on les applique. Bien. Il nous reste un quart d'heure. Hein? Juste le temps d'arriver. Ok. C'est charmant. Quelle heure est-il, monsieur Pagano? 10h15, ça. Eh bien, il est temps de prendre place dans notre Pullman. Le train part dans un quart d'heure. Monsieur Bondena? Monsieur Bondena! Tiens, qui m'appelle? C'est Cloum? Cloum, que je suis content de te revoir. Mais d'où arrives-tu, tout couvert de boue? essoufflé comme ça. Une dépêche, sir. Une dépêche de Lord Buridan. De Lord Buridan? Oui. Voyons, voyons. Mon cher maître, ne prenez pas le rapide de New York qui part de Rochester à 10h30. Et faites en sorte que tous nos amis remettent leur voyage à demain. Insistez pour les retenir, sinon ils s'exposeraient à un terrible danger. Cordialement à vous, Lord Buridan. Il y a un X à la suite de la signature. Mais c'est sûrement sérieux. Les voyageurs pour New York en voiture, s'il vous plaît. Les voyageurs pour New York en voiture, s'il vous plaît. Et voyons, monsieur Duncan, vous avez bien vu la lettre de notre ami Buridan, enfin. Tout le monde est d'accord pour remettre ce voyage à demain. Allons, allons, allons. Restez avec nous. Il n'en est pas question. J'ai décidé de prendre ce train, je le prendrai. Ni Lord Buridan, ni personne ne me fera changer d'avis. J'ai des rendez-vous à New York demain matin, et ce n'est pas sous ce prétexte futile que je vais les décommander. Mais ce n'est pas un prétexte futile, voyons. Qui sait si les bandits de la Main Rouge n'ont pas projeté d'attaquer le train? Oh, la Main Rouge! Mais voyons, Isidora, vous savez bien qu'elle n'existe plus. Il y a longtemps que tous ces bandits sont sous les verrous. Vous avez tort, mon cher docteur. En voiture! Promettez-moi au moins de... Vous nous envoyez un télégramme dès votre arrivée à New York. C'est promis. Mais j'espère que votre départ n'est pas totalement remis. Mais pas du tout. Nous serons dès demain à New York. À moins que vous ne receviez de votre excentrique ami un nouveau message mystérieux. À demain. À demain. J'espère que nous n'arriverons pas trop tard. Vite. Là-bas, le chef de gare. Monsieur. Monsieur. Monsieur le chef de gare. Le train de New York est-il parti? Vous n'avez pas de chance, il y a 2 minutes qu'il a quitté la gare, tenez. On le voit encore. Il va franchir le signal qui se trouve en tête du pont de l'estacade. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le pont de l'estacade! On va faire sauter le pont de l'estacade juste au moment où le train passait! Oh mon Dieu, quelle catastrophe! Vite! Il faut tout de suite porter secours aux malheureux qui agonisent au fond du ravin. Il faut également prévenir les autorités. Oui, vous avez raison. Je vais tout de suite aller téléphoner. Attendez! Attendez! Juste un mot. Le milliardaire Fred Yorgel était-il monté dans le train avec ses amis? Non, ils ont changé d'avis au dernier moment. Vous avez dû les croiser en arrivant. Il y en a qu'un seul qui est parti. Ah! Qui ça? Un milliardaire de New York. William Duncan. Oui, c'est ça. Vite, Agénor, au pont de l'estacade. Oh, quel cauchemar. Oui. On dirait la vallée de la mort. Il faut absolument retrouver William Duncan. Je vais commencer à chercher ici. Vous, Agénor, commencez là-bas. Il est coincé sous cette traverse. Aidez-moi. Voilà. Chut. Son cœur bat. Il est vivant. Monsieur Duncan. William Duncan. Il est dans le coma. Il a une blessure à la tempe, regardez. Vite, il faut absolument le transporter dans la voiture avant que les sauveteurs n'arrivent. Aidez-moi. Voilà. Soulevez-le comme ça. Hein, levez. Doucement. Attention. Voilà, nous y sommes. Nous allons l'allonger sur la banquette. Doucement, doucement, Génor. Voilà, voilà. Maintenant, Génor, vous allez immédiatement le conduire. À Rochester? Surtout pas! Vous allez l'emmener dans ma villa de Syracuse. Cloum vous y rejoindra. Mais surtout, il est important que sa présence là-bas reste secrète. Très bien. Très bien, je pars tout de suite. Attendez! Attendez, j'ai une idée. Oui? Attendez, je vais prendre ses papiers. Voilà. Et la bague de diamant qu'il porte à la main droite. Voilà. Maintenant, vous pouvez partir. Mais que comptez-vous en faire? Je vous l'expliquerai plus tard. Allez, allez, partez vite! Je vais essayer maintenant de porter secours aux blessés avant que les ambulances arrivent. Voyons. Ah! Voilà l'homme qu'il me faut. Exactement la corpulence de William Dorgan. L'accident a transformé sa tête en bouillie. C'est parfait. Bien, ses papiers. Voilà. Je les remplace par ceux de William Dorgan. La bague. La main droite. Ah! Enfin! Les secours arrivent, ne vous inquiétez pas! J'espère que nous pourrons sauver quelques vies humaines au milieu de ces décombres. Appelle. Oui, je viens! Je viens! Oh! Surtout! Ne bougez pas, madame. Dieu, qu'elle est belle. Bien, Génor, cela fait 15 jours aujourd'hui que William Dorgan est sorti du coma. Comment est-il ce matin? Toujours pareil, Milord. Je crains bien qu'il ne recouvre jamais la parole. L'accident l'a rendu complètement aphasique. Je me demande si j'ai bien fait d'opérer cette substitution et de faire croire à sa mort. Vous savez que Joey Dorgan a intenté un procès à son frère Harry à propos de l'héritage? Oui, je l'ai appris. Mais pourquoi ne parlez-vous pas à William Dorgan de tout cela? En dehors de son aphasie, il va très bien. Et il se fait parfaitement comprendre en se servant d'une craie et d'une ardoise. Oui, vous avez raison, Génor. Je vais lui en parler. Nous verrons bien. Mais enfin, que vous arrive-t-il, Milord? On dirait que depuis l'accident du pont de l'Estacade, votre neurasthénie est revenue. Vous n'avez plus goût à rien. Qu'y a-t-il? Ah, mon cher Génor. Si vous saviez comme je suis malheureux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parlez. Je suis votre ami, non? Oh oui, Génor, oh oui. Et quel ami! Mais malheureusement, cette fois-ci, vous ne pouvez rien pour moi. Je suis amoureux. Amoureux? Mais c'est une bonne nouvelle! Vous devriez plutôt être heureux, non? Hélas, hélas, Génor, je suis amoureux, oui, mais... amoureux d'une morte. D'une morte? Tenez, regardez le journal. Le New York Illustrated News. Mais c'est une vieille édition. Oui, c'est celle du lendemain de l'accident. Ah. Il y a les photographies des victimes. Tenez, regardez celle-ci. Oui. Et oui, c'est elle, la seule femme que j'aurais jamais aimée. Mais je ne comprends pas, vous la connaissiez d'où? Non. Non, en fait, je ne l'ai vue que 2 minutes, mais cela a suffi pour que je tombe follement amoureux d'elle. Je venais juste d'opérer la substitution des papiers de William Dorgan quand j'ai entendu une femme appeler au secours. Et c'était elle. Elle portait une robe noire avec un bouquet de scabieuses à la ceinture. Et elle était belle. Et sa voix, son regard, jamais je n'oublierai. Mais elle était donc vivante. Et oui, oui. Elle avait l'air de ne pas avoir trop souffert d'accident. Alors je l'ai allongée sur le talus et j'ai continué à aider les sauveteurs. Quand je suis revenu, commençait à faire jour. Eh bien, elle n'était plus là. Je l'ai cherchée partout. Finalement, je l'ai retrouvée. Elle était étendue parmi les morts. Oh. Comment s'appelait-elle ? Je ne sais pas. Pour moi, elle reste la dame aux scabieuses. Ah, Génor. Ah, Génor, je ferais n'importe quoi pour la revoir. Mais enfin, Milord. Elle est morte. Eh oui, elle est morte. Je sais. Tenez, lisez ceci. Quoi, cette annonce ? Oui. Institut spiritualiste pour le soulagement des gentlemen et des ladies inconsolables. Directeur Ezekias Palmers, psychologue mentaliste, membre de plusieurs académies. Matérialisation, apparition en tout genre, conversation avec l'au-delà. Révélation d'outre-tombe, voyage dans l'astral, double... Mais enfin, Milord, vous ne croyez quand même pas à ces charlatans. Vous n'allez pas répondre à ça quand même. Eh bien, j'y suis allé. Quoi ? Vous y êtes allé ? Oui. Oui, je l'ai vue. Elle, je l'ai vue. Comment vous l'avez vue ? Mais enfin, Milord ! Je l'ai vue, Agénor, comme je vous vois. Oh, l'apparition n'a duré qu'une fraction de seconde. Et elle aussi m'a reconnu. Mais vous devriez vous reprendre en main, Milord. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous devez aller demain à New York. Ça vous changera les idées. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai promis à Harry Dorgan d'intervenir pour lui auprès du docteur Cornelius Cram à propos de cette histoire d'héritage. Ah, cette visite me changera peut-être les idées. Agénor ! Agénor ! Eh bien, Milord, que se passe-t-il ? Cette Agénor. Visite à New York semble vous avoir transformé. Auriez-vous obtenu gain de cause pour Harry ? Mais il s'agit bien de Harry, je m'en fiche de Harry. Je l'ai revu, Agénor. Vous avez revu qui ? Mais elle, la dame aux scabieuses. Quoi ? Vous êtes encore retourné chez ce charlatan ? Pas du tout, Agénor, vous ne comprenez rien. Elle est prisonnière du docteur Cornelius. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la femme que j'ai aperçue à une fenêtre de la maison de Cornelius est bien la même que j'ai vue chez ce charlatan d'Ezekias Palmers. D'ailleurs, vous savez qui est cet Ezekias Palmers. Ce nom me dit en effet quelque chose. C'est l'ancien directeur du lunatique asylum de Greenaway. Oh. Celui où était enfermé Baruch Hörgel. Vous vous souvenez ? Mais revenons à la dame aux scabieuses. Je suis sûr qu'elle est prisonnière de Cornelius et nous allons la délivrer. Cloum ! Cloum ! Il y a un papier attaché à cette flèche. Madame, je présume que vous êtes une victime du sculpteur de chair humaine. Si vous êtes retenue contre votre gré, demain à 10 heures du soir, la petite porte du jardin sera ouverte et je serai à vos ordres pour vous conduire où vous le désirez. Oh mon Dieu, quel bonheur ! C'est lui, c'est l'inconnu du pont d'Estacade. Continuons. J'ai appris qu'on vous permettait chaque soir une promenade dans le jardin en compagnie de ce vieux coquin de Leonello. Ne vous préoccupez pas de lui, car j'ai pris mes précautions pour qu'il ne s'oppose pas à votre évasion. Votre très humble serviteur et ami, Lord Astor Puritan. Oh, je savais que je le reverrais. Astor Puritan. Mais vite, il faut que je brûle cette lettre. C'est l'heure de votre promenade, madame. Je vous suis. Quand pourrais-je donc sortir d'ici, monsieur Leonello? Je ne sais pas, madame. Après vous, madame. Mais enfin, de quel droit me retient-on ainsi? Madame, vous êtes très malade et vous êtes chez un grand docteur. Il vous laissera partir quand vous serez guérie. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je m'échapperai. On ne sort pas d'ici aussi facilement et quelquefois... Quelquefois? Quelquefois, on n'en sort jamais, madame. Mais enfin, qu'avez-vous ce soir? Moi? Rien, pourquoi? Je vous trouve bizarre. Allons, il est temps de rentrer. Venez. Oh, nous venons juste de commencer cette promenade. Cela suffit, vous dis-je. Nous rentrons. Allez, Vite! Oui. Madame, suivez-moi! Par ici! Oui. De vivre un rêve. Comment aurais-je pu imaginer que je me retrouverais un jour après toutes ces semaines de cauchemars ici au Preston Hotel? Et avec vous, vous qui m'avez sauvé la vie au pont de l'Estacade et que je n'ai jamais oublié. Non, moi non plus. Ah, si vous saviez... Mais parlez-moi de vous. J'aime tellement le son de votre voix. J'ai l'impression de vous connaître depuis des milliers d'années. Je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Eleanor. Je suis la fille de Lord Beresford. Mon père est mort il y a quelques années en nous laissant ma mère, ma sœur Clara et moi dans une situation matérielle des plus précaires. Vous avez une sœur? J'avais une sœur. Une sœur jumelle. Mais je comprends tout maintenant. Et votre sœur est morte dans la catastrophe du pont de l'Estacade, n'est-ce pas? Oui. Oui. Nous revenions de Rochester, nous revenions de l'enterrement de notre mère... Eleanor, Eleanor, ma chérie, pleurez, pleurez, ça vous soulagera. Pleurez. Oh, j'ai longtemps regretté de ne pas avoir partagé le sort de ma chère Clara. C'est la première fois aujourd'hui que je suis heureuse de ne pas être morte. Vous avez dit aujourd'hui? Oui. C'est donc vous que j'ai arraché des décombres et c'est votre sœur que j'ai vue plus tard parmi les morts. Elle portait également un bouquet de scabieuses, n'est-ce pas? Oui, oui. Ce sont des fleurs que nous aimions beaucoup. Eleanor, ma chérie. Lorsque vous m'avez tiré des décombres, je n'étais pas évanouie. J'ai très bien vu votre visage quand vous vous êtes penchée sur moi. Et depuis, je ne l'ai jamais oublié. Eleanor, moi non plus, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai cherché partout. Je ne pouvais pas croire que vous étiez morte. C'est bien vous que j'ai aperçu chez Ezekias Palmers, n'est-ce pas? En effet, c'était bien moi. Ezekias Palmers a appris, je ne sais comment, que j'étais à la recherche d'un emploi. Mmh. Et peu de temps après l'accident, j'ai reçu une lettre de lui dans laquelle il me proposait de travailler dans son institut. Cela devait être quelques jours après la première visite que je lui avais faite pour lui demander de... Enfin, je vous expliquerai plus tard. Mais sous quel prétexte vous a-t-il engagé? Comme secrétaire, tout simplement. J'étais d'autant plus contente d'accepter cet emploi qu'il m'a promis qu'il me mettrait en relation avec l'âme de Clara. Et même que je la verrais. Oh, vous savez, je suis très superstitieuse. Et vous l'avez cru? Oui, oui, oui, bien sûr. C'est ainsi qu'un soir, il m'a demandé de prendre avec moi un bouquet de scabieuses. Et il m'a emmenée à la nuit tombante dans son jardin. Il m'a recommandé de marcher droit devant moi à la rencontre de ma sœur. Et il m'a laissée seule. Clara, m'avait-il dit, devait m'apparaître au milieu d'une lueur bleuâtre. J'ai commencé à marcher. Soudain, j'ai entendu un léger bruit et machinalement, j'ai tourné la tête. Et je vous ai vu. Vous, vous dont le visage hantait mes rêves depuis... Oh, mais excusez-moi. Oh, non, ne vous excusez pas, je suis si heureux, ma chérie. Vous aussi, Éléonore, vous hantiez mes rêves. Mais continuez, continuez. Comment se fait-il que vous ayez aussitôt disparu? Eh bien, j'allais me précipiter vers vous quand deux hommes se sont jetés sur moi, m'ont bâillonné et m'ont fait respirer je ne sais quoi. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais enfermée dans la chambre dans laquelle j'ai reçu votre message. Et depuis ce jour, j'étais prisonnière du docteur Cornelius. Mais pourquoi vous retenait-il? Oh, il prétendait que j'étais gravement malade et que lui seul connaissait le remède qui pouvait me guérir. Mais c'était vraiment étrange. Leonello, son serviteur, n'arrêtait pas de me photographier sous tous les angles. Oh. Et tous les jours, il me faisait absorber une curieuse potion. Et cela vous faisait du bien? Non, non. Au contraire, chaque fois que j'en prenais, j'avais des vertiges. Et je devenais de jour en jour plus faible. Oh, le sang. Et il y avait des moments où je me voyais faire des gestes que je n'avais pas l'habitude de faire. C'était comme si mon cerveau ne m'appartenait plus. Parbleu, il faisait sur vous quelques diaboliques expériences, mais patience. Il aura un jour de terribles comptes à rendre. Miss Eleanor, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oh, oh, quel bouquet extraordinaire d'escabieuse. C'est vous? Je ne sais pas. Tenez, il y a une carte. Ouvrez-la. Je ne comprends pas. C'est signé Feu Milord Bamboche. Je croyais que ces fleurs venaient de vous. Il n'y a que vous qui connaissiez le secret de ces fleurs. Ma chérie, ne me regardez pas ainsi avec vos grands yeux rêveurs et innocents. En effet, ce bouquet vient de moi. Avant de vous connaître, j'étais ce Milord Bamboche, ce pauvre pantin qui courait après des ombres à la recherche de sensations rares. Mais maintenant, vous êtes là. Vous. Et Milord Bamboche n'existe plus car Lord Buridan vient de naître à la vie. Éléonore, Éléonore, je vous aime. Astor, moi aussi je vous aime. Oh. Oh, maintenant que je vous ai retrouvé, plus rien ne pourra nous séparer. Oh oui, plus rien, plus rien, plus jamais rien, n'est-ce pas? Prochain épisode, la tour fiévreuse. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 28e épisode, La dame aux scabieuses. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Pierre Vanek, Jean Vienner, Robert Parti, Pierre Constant, Jean-Jacques Aslanian, Pierre Pernet, Max Vial. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier. Réalisation Alain Barou, première diffusion sur France Culture le 3 février 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.